voilà les rats, allons à la rivière, retournons au bois. Échangeons des promesses, on se retrouvera là des rats. Échangeons des promesses, on se retrouvera. Échangeons des promesses, on se retrouvera là des rats. Échangeons des promesses, on se retrouvera. Allons à la rivière, retournons au bois là des rats. Allons à la rivière, retournons au bois. Allons à la rivière, retournons au bois là des rats. Allons la rivière, retournons au bois. Échangeons des promesses, on se retrouvera là des rats. Échangeons des promesses, on se retrouvera. Échangeons des promesses, on se retrouvera là des rats. Échangeons des promesses, on se retrouvera. On se retrouvera là, échangeons des promesses, on se retrouvera.